sans lune, sous un paysage sombre de rancune, que tu n'as pu soutenir l'histoire, souillée par les jets d'encre noire. Tu as pris ton envol sous le malaise, des ailes ont poussé sur la falaise, et tu es parti loin de nous, autant ta souffrance de contre-cours. Désormais, chaque soir d'été, je regarde le ciel et te contemple. Toi, ma constellation éteinte, qui chaque jour me manque. Nous ne saurons jamais pourquoi, pourquoi ce soir, ce soir-là, tu as sauté du rocher pour prendre ton envol de planer. Voilà, tu as sauté du rocher pour prendre ton envol planer.